Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde dans tous ses états. Ce soir, notre sujet d'intérêt, c'est la thune, le flouze, les pépettes. Pour parler d'argent, le vocabulaire est riche et plus que jamais, l'argent est omniprésent et hypnotique. En avoir un peu, beaucoup, à la folie, c'est une traque sans fin, une quête sans limite. De New York à Pékin, en passant par Moscou, c'est ainsi que les hommes vivent. Alors comment en gagner toujours plus, en travaillant plus? Eh bien, vous allez le voir, pas forcément. Prenez des notes. Vous ne savez pas quoi faire de votre argent? Eh bien, découvrez comment certains Américains font charité de leur richesse. On peut également visiter un château allemand en plein cœur du Texas, faire connaissance avec des milliardaires rouges à Pékin, fréquenter le très très mondain et très chic bal des débutantes à Londres. Et puisque l'argent n'a pas d'odeur, voyez comment même au Vatican règne le lucre. Et dans un monde plein de trésors enfouis, il y a peut-être un magot planqué à 4000 mètres d'altitude chez les Incas. Sur la Côte d'Azur, la profession de concierge est un privilège. Mais tout de suite, direction l'un des symboles absolus du business, Hollywood bien sûr, et ses éternels rêves de gloire et de fortune. Los Angeles, bienvenue chez Kitson, une des boutiques les plus tendances. Ici, les victimes de la mode viennent chercher les jeans les plus branchés du moment. Déchirés, recousus, le summum du luxe. Stitches, seven for all my kind. Derrière ces marques, une fois sur deux, des Français, minimum 250 euros le jean. Le jackpot, surtout pour ceux qui sont à la tête de ce business, comme par exemple Philippe Naouri, un de ces Français qui font le jean aux États-Unis. Bonjour. Il a 34 ans, il vient d'acheter cette maison à Los Angeles. Voilà, c'est là où j'habite. À Los Feliz, c'est le nouveau quartier de Hollywood, West Hollywood. C'est le quartier qui monte où tous les nouveaux designers, tous les nouveaux stars habitent. Voilà, je vous présente ma maison. C'est une maison d'architecte de 1958, post-moderne. C'est très en vogue ici en ce moment en Californie. Je collectionne tous les meubles de designers comme Eames, Le Corbusier. Un mode de vie digne des vedettes de cinéma. Voilà Randa, c'est ma fiancée. Frédéric est de Marseille aussi, c'est la coiffeuse des stars. Elle vient souvent coiffer Randa et d'autres stars. Elle coiffe Julia Roberts, elle coiffe aussi Angelina Jolie. Et elle travaille à Beverly dans un salon qui s'appelle Privé. Voilà. Ça va, c'est la belle vie pour vous ici? Ouais, ça va, on est bien installé. On a Madonna qui habite en haut, Kiefer Sutherland qui habite sur le côté gauche. Une maison de rêve. Et si Philippe en est aujourd'hui le propriétaire, c'est qu'il a eu la bonne idée sur laquelle il a tout misé. C'est le vintage, ou comment faire ressembler du neuf à de l'ancien. À sa disposition, ce gigantesque atelier, un laboratoire où il crée ses prototypes. Donc, les pantalons, ils arrivent quand même en défait de la broderie. Et on les assemble. Donc ça, c'est parti à broder. Et quand ça revient, il les monte. Et des fois, on change des trucs au dernier moment. On rajoute, comme là, on a rajouté des studs, des pierres. Des expérimentés. Voilà, exactement. Après, il va être traité, il va être lavé. Ouais, il va être lavé, ouais. Et puis ça va arriver à un résultat comme ça. Et ça, c'est des jeans rares, en fait, non? C'est des jeans qui valent combien, ça? Ça, ça vaut 310$ en magasin. On a quasiment réinventé le marché du jean, le concept du jean. Son astuce, rajouter des broderies ou encore des petites perles sur des jeans délavés. Faire en sorte que chaque vêtement devienne une pièce unique. Faire passer le prêt-à-porter pour de la haute couture. En tout cas, redonner ses lettres de noblesse aux jeans américains. Et ça marche. Leur griffe est aujourd'hui cotée en bourse. Donc là, nous, on pèse à peu près 45 millions de dollars. En un an, c'est pas mal. En un an, ouais. Ça, ça peut arriver qu'en Amérique. Et si ce petit miracle est aujourd'hui réalité, c'est grâce à un homme. Il s'appelle Paul Gaze, un milliardaire qui ne se déplace qu'en jet privé, comme aujourd'hui, où il quitte Los Angeles pour Las Vegas et son salon mondial du jean haut de gamme. Et si sa fortune vient du jean, eh bien aujourd'hui son truc, c'est plutôt d'aider et de financer de jeunes créateurs. Paul Gaze, dans le milieu du textile, on l'appelle le parrain. Je suis un businessman. Je suis un entrepreneur. Un type qui a la vision, qui est clair, c'est très clair pour moi. Ou ça marche ou ça ne marche pas, mais si ça veut marcher, je vais la monter au maximum, la sauce. Parce qu'on a ce qu'il faut. Traduction, il a financièrement les reins solides, mais une seule chose lui manque. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mes cigares. Rien. De toute façon, dans le jet, pas le temps d'en fumer un. C'est rapide, hein, quand même. Une heure. Moins d'une heure. 45 minutes. 45 minutes. Las Vegas, un Disneyland géant, mais aussi l'endroit idéal pour faire du business. Le salon du gin se tient dans un hangar à l'intérieur même d'un des plus beaux hôtels casinos de la ville. Paul Guéze est ici comme chez lui. Tout le monde le connaît et tout le monde le respecte. Hey, je suis le parrain, moi. Vous avez combien de marques représentées ici? Avec la famille, une dizaine. Et une dizaine qui veulent joindre la famille. Ça va nous faire 20 dans peu de temps. Et parmi les nouvelles marques de l'écurie Paul Guéze, celle de Philippe, justement. Nos petits Marseillais commencent à se faire un nom et le parrain a pris les deux tiers du capital de la marque en échange de leur association. Antique, avec Philippe Naouri, sa femme. Visiblement, le lancement est un succès. Le stand est le plus visité du salon. Première journée et déjà près $1 million de gin écoulé. Mais la plus grande fierté de Paul Guéze, c'est une autre marque. Et pourtant, elle ne lui appartient pas. C'est la propriété de son fils, Dany, 28 ans. Il a fait une association avec Justin Timberlake. Le chanteur. Et je connais personne dans le marché américain qui a fait un deal avec un artiste de la façon dont mon fils a fait. C'est-à-dire ? C'est pas parce que c'est mon fils, je trouve que c'est un type phénoménal. Phénoménal, l'associé de son fils, c'est la superstar Justin Timberlake. Il a déjà vendu plusieurs millions de disques, il a de l'argent à investir. En plus, tout le monde le connaît, client comme distributeur. C'est un très bon coup pour Dany Guéze. Finally, how are you? Good to see you. Tu sais, j'apprécie vraiment toutes les gentillesses que tu dis dans la presse sur mon fils. C'est vraiment mignon. Il n'y a pas beaucoup de célébrités comme toi qui soient aussi gentilles. Je voulais que tu le saches. Alors même si la relève est déjà en place, Paul Guéze espère bien continuer à piloter la French Connection. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et j'encourage tous ces designers magnifiques français qui, s'ils veulent venir à Los Angeles, ils sont les bienvenus. Et s'ils ont besoin de parler à quelqu'un, qu'ils viennent me parler. Plus malin encore, lui ne fabrique rien, ne produit rien, mais il vend beaucoup. Et pour dénicher ses petits trésors, c'est à Paris que Cameron Silver a rendez-vous. Il se rend à Drouot pour une vente aux enchères de robes des plus grands créateurs français. Bonjour Cameron. Comment allez-vous ? Cameron habille les stars d'Hollywood. Aujourd'hui, il est venu faire son marché. Ça va ? Oui, je regarde. Ok. Good. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. J'espère, surtout à un bon prix. Sur ces mannequins, un siècle de l'histoire de la haute couture. Là, vous avez Vance, vous avez Gabrielle Chanel, vous avez Christian Dior, vous avez Saint Laurent, vous avez Jacques Fatt, Balenciaga, Jean-Charles de Castelbajac, Ted Lapidus, Issey Miyake, que j'adore, qui est un très très grand créateur, Pierre Balmain. Ça, c'est Dior, par Saint Laurent, c'est superbe. Elle date de 59. Vous les trouvez où, toutes ces robes ? Ce sont des clientes particulières qui nous les amènent. Ou des successions. On peut avoir une idée de l'estimation de cette robe ? Dans les 3 000 euros. C'est Pierre Cornette de Saint-Cyr, célèbre commissaire-priseur qui dirige la vente. Et c'est parti, logiquement, le numéro 1. Alors, le numéro 1, c'est cette robe en forme trapèze, courrèges, on commence à 250. Adorable, ça, regardez. 1600, 1700, 1700, c'est là, devant. Au total, Cameron va dépenser près de 15 000 euros pour l'achat d'une douzaine de robes. Cette robe-là, si j'arrive à la vendre, ce sera un miracle. It will be a miracle. Pourquoi ? Well, Elle est vraiment particulière. Selon moi, il faut vraiment être très belle pour la porter. Il faut que je fasse attention. Cette robe pourrait ruiner la carrière d'une actrice. Celle-ci ferait une parfaite robe de mariée. Quelle est la robe la plus chère que vous avez achetée ? Celle-ci, je pense. Cameron est désormais le nouveau propriétaire de la robe Dior, héritage d'une grand-mère française. Elle est vraiment exceptionnelle. Je l'adore. C'est une robe parfaite pour la cérémonie des Oscars. Vous l'avez payée cher ? Suffisamment. 2800 euros, c'est le prix de ce petit bout de patrimoine français. Et le lendemain, il est de retour à Los Angeles. Il y a 11 ans, sur Melrose Avenue, Cameron Silver a créé sa boutique. Et ce matin, Cameron va préparer une petite sélection destinée à une jeune actrice. Au total, 5 robes qu'il a achetées à Drouot. Bonjour. Bonjour, ça va ? Jennifer Morrison, c'est l'une des vedettes de la série Dr. House. Elle cherche, en compagnie de sa styliste, une robe qu'elle souhaite porter lors d'une soirée de gala. Celle-ci, je ne sais pas ce que cela peut donner. À mon avis, il n'y a qu'une très belle fille comme toi qui peut la porter. Celle-ci est une robe de Philippe Venet de la fin des années 60. Oui, elle est magnifique. C'est une Christian Dior, haute couture aussi. Elle est intéressante, avec du volume. Et là, c'est la robe qu'il te faut. C'est aussi une Christian Dior, mais dessinée par Yves Saint Laurent. C'est sublime. Un petit détail, laisse-moi rajouter des perles. Oui, je suis une fille toute simple. Quelle robe exceptionnelle. Combien coûte-t-elle ? Très cher. Très cher, mais combien ? 10 500 dollars. C'est cher. Mais cette robe a une histoire. Elle a été dessinée par Yves Saint Laurent lors de son bref passage chez Dior. Je l'adore déjà. Elle est magnifique. Son histoire lui donne encore plus de charme. Ça lui ajoute... un zéro. Cela rajoute surtout un zéro à son prix. C'est génial. Je me sens un peu parisienne. Il y a 3 mois en France, cette robe était léguée par une grand-mère à ses petites filles. Après avoir été vendue à Drouot, elle va retrouver avec cette jeune actrice l'éclat des grandes soirées. Et elle aura permis, au passage, à Cameron Silver d'encaisser 5000 euros de bénéfices. Hollywood, Cannes, à portée de jet pour les plus grandes stars du cinéma, bien sûr, comme Sharon Stone. Quand la diva vient sur la Côte d'Azur, elle a toujours une petite attention pour ce jeune garçon. Il s'appelle Jonathan Gray, il a 25 ans. Parmi ses clients, Sharon Stone donc, Sarah Ferguson, Boris Becker, Jonathan est concierge, mais un concierge d'un genre plutôt rare. En France, le terme de concierge à notre niveau est nouveau. On connaît le concierge d'un hôtel 4 étoiles, on connaît le concierge d'un immeuble, mais le concierge que vous pouvez appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si vous ne descendez pas dans un hôtel, est quelqu'un qui vous rendra des services bien différents que votre concierge d'immeuble, c'est nouveau. Le métier de Jonathan exaucer les vœux de ses riches clients, même les plus farfelus. Aujourd'hui, il part tester un hôtel dans l'arrière-pays cannois, un endroit prestigieux où il doit monter un scénario car c'est pour une surprise. Un de ses abonnés anglais, qui paye plus de 30 000 euros par an pour s'assurer ses services, souhaite faire une demande en mariage originale. Bonjour. L'idée, je ne sais pas encore comment on va faire, c'est pour ça que je suis venu visiter. Oui. C'est d'un coup aménager un espace qu'elle aura vu juste avant d'aller faire ses soins. D'accord. Et qu'en ressortant de là, elle repasse par le même espace, qu'il soit tout transformé et où le mari soit là, enfin le futur mari soit là pour faire sa demande, exactement. Mais l'organisation de la demande en mariage va soudain passer au second plan pour Jonathan. Oui, Marc. Un coup de fil va bouleverser ses priorités. Tu m'intrigues beaucoup. Le souhait de son client doit être pris en compte sur le champ. Ok, j'y serai. C'est un de nos membres élites, oui, c'est ça. Et donc là, il y a un peu de mystère, un peu de... Il ne veut pas me le dire au téléphone, il m'a dit, on se voit tout à l'heure, sache en tout cas que c'est très pressé, c'est pour dimanche. Il m'a dit attends toi, être très occupé et de maintenant jusqu'à dimanche. Donc voilà, il risque de me chambouler encore mon agenda, mais c'est le jeu, c'est marrant. Et une demi-heure plus tard, Jonathan arrive donc dans l'un des palaces de Cannes. C'est ici qu'il retrouve Marc, son client, pour en savoir plus sur le service qu'il doit lui rendre. Marc paye 36 000 euros par an les services de Jonathan. Mais Marc n'est qu'un intermédiaire. Le service n'est pas pour lui, c'est pour son patron, un milliardaire russe, un habitué des demandes singulières et surtout urgentes. Jonathan en perd même son sourire. Alors écoute, il me faut une maison au Maroc. Ouais. Sur l'Atlantique de préférence. Sur l'Atlantique, ouais. Donc soit Essaouira, soit avec une plage privée. D'accord. Ça, c'est... Pour combien de temps? Écoute, si elle lui plaît, il achètera même. Ah, c'est pas pour louer? Ouais. Non, c'est pas pour louer, mais il veut la visiter dimanche. Il veut la visiter dimanche? C'est-à-dire que dimanche, il veut prendre le jet privé, venir là-bas, et ouais, que tu lui montres déjà plusieurs choses. Dimanche? D'accord. Ça laisse 3 jours pour Jonathan. D'accord. Il veut que ça soit vraiment un palais. Hein, il veut... Au niveau un de la taille truc, quoi, ouais. Alors soit il m'a dit, soit tu trouves un truc qui est déjà, une maison qui est déjà en bon état, soit il s'en fout, il démolit tout, il reconstruit. D'accord. Bah, de toute façon, je pense que si samedi je t'ai pas confirmé le nombre de visites, ça sert à rien qu'il vienne dimanche. Mais j'imagine qu'il veut pas que je trouve pas ça. Ouais. Je l'envisage même pas. Non, mais ça devrait être faisable. En tout cas, si on a, on trouvera. Ah, tu sais comment. Si on a, on trouvera. Ok. Bon, sympa. Merci. Pour Jonathan, pas une minute à perdre. Il a donc 3 jours pour dénicher la villa. Alors, direction Tanger. Et pour l'aider à trouver une maison les pieds dans l'eau à acheter pour le milliardaire russe, eh bien, il va faire appel à un agent immobilier marocain. Bonjour. Hicham. Ça va, merci d'être venu. Hein. Vous avez fait bonne route? C'est Morad, le contact du concierge sur place, qui l'a appelé. Ça va, tu vas bien? Ça va. Morad connaît le pays comme sa poche. Ils ont trouvé une villa qui pourrait convenir. Elle est à vendre et abandonnée depuis quelques années. Et surtout, elle donne directement sur la mer. Une seule préoccupation pour Jonathan, voir la plage privée. Celle-là fait 35 000. Mais Hicham, oui. Quoi? Elle n'est pas sur l'eau. Oui, on peut descendre. Sur l'eau. Vous avez l'accès jusqu'à la mer? Oui, jusqu'à la mer. Ah. C'est une belle plage. Oui, ça va, oui, bien, ça va. Mais très vite, un détail va être rédhibitoire pour Jonathan. Il y a du monde sur cette plage. Mais là, la plage n'est pas privée. Ça risque pas de le déranger. Bah, s'il avait dans l'idée d'avoir sa plage privée à lui, si. Il faut essayer de trouver peut-être le produit rare. Ou... Vous êtes dans une crique où il n'y a que quelques maisons, difficiles d'accès, avec une plage qui appartient à tout le monde mais qui n'est jamais visitée. Sauf par les gens qui arrivent en bateau. Ça serait l'idéal. Un vrai petit bijou. Ils espèrent donc le trouver, à quelques kilomètres de là. Hicham, l'agent immobilier marocain, a peut-être déniché la perle rare, un terrain directement sur une plage isolée. Jonathan a un peu de mal à le croire. C'est très différent. Et il y a quoi entre lui et la mer? Rien. Il y a une route? Il n'y a rien. Il y a 150... Mais combien il y a de distance entre... Il n'y a rien directement. Entre le terrain et la plage? Directement. Comme si ce n'est pas ça, tu vas devoir marcher. Ça y est, c'est sûr. Le temps presse, mais la route semble valoir la peine. Le paysage devient paradisiaque, la mer et le sable fin. On dirait la mer, où est-ce qu'il est le terrain? Alors le terrain, il est pas là. Où il y a les arbres? Où est-ce qu'il y a la petite forêt là? Oui, il y a la petite forêt. À partir de la petite forêt. Le terrain, il va aller jusqu'où? Le terrain? Ici? Non, non, jusqu'aux rivières. Non, mais ah, jusqu'à la rivière. C'est formidable. Mais là, on lui construit un royaume. On lui fait un royaume. Jonathan est enfin emballé. Les 9 hectares sont à vendre. Le terrain est complètement isolé. Et ici, tout reste à faire, y compris construire la maison. Donc sa maison, il peut la mettre là? Oui, bien sûr. Jusqu'au sable. Si tu es capable de faire des investissements, vous pouvez tout faire. C'est agréable. C'est superbe, vraiment superbe. Il aime ce qui est grandiose, spectaculaire. Il n'était pas content de se faire construire quelque chose. Là, il démarre de zéro avec autant de place qu'il veut. Il peut mélanger le côté « je suis seul au monde » avec des dunes, on dirait qu'on est dans le Sahara. Il peut avoir un quad, des chevaux, aller sur sa rivière là-bas privée, rejoindre la mer, laisser un petit bateau devant. Je pense qu'on a quelque chose. Aux dernières nouvelles, le client de Jonathan, le milliardaire russe, désire acquérir le terrain pour y bâtir son palais. On vient de le constater, la bonne idée, c'est donc l'atout numéro un pour faire fortune. Mais si vous n'avez pas d'idée, mieux vaut alors avoir un peu de pétrole. C'est le constat en tout cas qu'on peut faire en ce moment même en Sibérie. C'est la réserve d'or noir de toute la Russie. Nous irons également en Équateur à la découverte de ces trésors ancestraux. Et puis on fera également un tour au Yémen où vous allez le voir, la nature, pour peu qu'on la bichonne, peut offrir des richesses insoupçonnables. À des milliers de kilomètres de toute civilisation, au cœur de la Sibérie, des puits de pétrole à perte de vue, des conditions extrêmes. Les deux tiers de la production de pétrole de la Russie concentrés ici, dans une région grande comme la France. Kanti-Mansik, 1 million d'habitants, éparpillés dans la taïga et au milieu de nulle part, la ville homonyme de Kanti-Mansik. Un mirage tout droit sorti de l'imagination post-soviétique de l'ère Poutine. C'est une ville modèle, réservée à 80 000 privilégiés. C'est une grande et merveilleuse ville. Nous, on l'adore. Ici, il n'y a pas de manifestation, pas de graffiti. Il n'y a pas de toxico qui tue les gens avec des lames de rasoir. Notre seule idée, c'est de construire et d'embellir notre région. Et c'est grâce à l'argent du pétrole que tout cela est possible. Les compagnies pétrolières versent d'énormes taxes à la région chaque année. C'est une sorte de trésor de guerre qui a fait de Kanti-Mansik la région la plus riche du pays, juste après Moscou. C'est le gouverneur Alexandre Filipenko qui règne sur ce pactole. Alors, on dit que c'est vous qui avez les clés du coffre-fort qui contient toutes ces richesses ? Non. Non, non. Il est bien écrit dans la Constitution russe que le vrai détenteur de toutes ces richesses, c'est le peuple russe. Un brin d'émago quand même, le gouverneur. En fait, le pétrole ne profite vraiment qu'à ses 80 000 administrés. Grâce à l'or noir, la ville offre des salaires deux fois supérieurs à la moyenne nationale, des primes à la naissance, des soins médicaux pour tous et un lycée proclamé le plus beau de toute la Russie par son directeur, Alexandre Bérézine. Ici, c'est le jardin d'hiver. C'est là qu'ont lieu les concerts de notre orchestre symphonique. Une ambiance tropicale kitsch pour un lycée qui bénéficie aussi d'une salle de spectacle, vide la plupart du temps. Pour le directeur, c'est loin d'être une dépense inutile. De telles conditions permettent d'élever une nouvelle génération de l'intelligentsia et de l'élite russe. Une ville idéale, sans violence, sans corruption et uniquement réservée aux plus riches. Cette version fantasmée de la Russie de demain, il suffit de parcourir 25 km pour en découvrir l'envers du décor. Chapcha, 300 habitants, nés quelques kilomètres trop loin, qui pataugent dans la boue. L'argent n'arrive jamais jusqu'ici. Pourtant, on voit bien qu'ailleurs, certains se construisent de belles baraques. Mais l'argent, il n'est pas pour nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Même son de cloche pour la femme d'Igor. Son mari travaille 7 mois par an dans une concession pétrolière perdue au milieu de la taïga. L'argent du pétrole, mon mari, il ne le voit jamais. Même pas une queue de cerise. On ne possède même pas notre propre appartement. On n'a pas de confort moderne, rien du tout. Et lui, il vit dans des wagons, sans électricité, dans le froid. Il ne gagne que 300 euros par mois et son salaire est toujours versé avec 3 mois de retard au minimum. Naître au bon endroit, au bon moment, un impératif si l'on veut profiter de la manne du pétrole dans la Russie d'aujourd'hui. Mais le sol réserve parfois d'autres surprises et cache d'autres richesses. Bienvenue en Équateur, sur les traces de l'ancien empire Inca. Philippe Esnos est français, c'est un chasseur de trésors. Ça fait 20 ans maintenant, à peu près 20 ans que je fais des chasses au trésor. J'en ai trouvé sous la mer et j'en ai trouvé à terre. Alors quand j'en trouve, normalement je ne vends pas les objets, mais quand j'ai besoin de... Si je trouve personne pour m'aider, j'en vends pour pouvoir me financer. Mais ça n'a jamais dépassé la valeur, une valeur telle, disons, que ça permettait de refaire d'autres expès, c'est tout. À 61 ans, Philippe Esnos traîne derrière lui une longue vie d'aventurier. Tour à tour, chercheur d'or en Amazonie, capitaine au long cours sur un trois-mâts, chasseur d'épaves. À 40 ans, il abandonne tout pour une nouvelle passion. Il s'intéresse à l'époque précolombienne et surtout, de très près, à un mythe. Là, je cherche le trésor de d'Atahualpa. Il appartient au patrimoine de l'humanité. Je ne pourrais même pas profiter d'une seule pièce, ni pour amener chez moi, ni pour revendre. Mais par contre, c'est un challenge gigantesque. Il y a eu Carter en Égypte. Ben, ça serait bien s'il y avait moi ici. Voilà. Atahualpa, le dernier empereur inca. Au XVIe siècle, il règne en maître sur la moitié de l'Amérique du Sud quand l'Espagnol Pizarro débarque au nord de l'Équateur. En 1532, Atahualpa est capturé. Pour obtenir sa liberté, il propose une rançon. Les conquistadors reçoivent alors 5 tonnes d'or et 11 tonnes d'argent, mais l'exécutent tout de même. Commence alors la légende. Seule une moitié de la rançon aurait été versée. Le reste n'a jamais été retrouvé. Pour tenter de mettre la main sur le trésor d'Atahualpa, comment Philippe Esnos s'y prend-il ? Étape indispensable pour ses recherches, les monastères de Quito, la capitale de l'Équateur. Alors là, on est dans la bibliothèque, dans les archives des Dominicains d'Équateur. C'est les plus grosses archives, les plus anciennes qu'il y a dans le pays. Et c'est là, en partie, où j'ai sorti tout un tas de renseignements concernant toute l'histoire d'Atahualpa. Et aujourd'hui, Philippe en est sûr, il a localisé le trésor. On dédoute, on a pendant la période où on fait les investigations, et à partir du moment où on réduit la zone jusqu'à ne plus avoir, on finit par ne plus avoir de doute, effectivement. Moi, j'ai plus de doute, là, c'est fini. Pour lui, c'est quelque part au milieu de la cordillère des Andes, à plus de 4000 mètres d'altitude, que se trouve le trésor d'Atahualpa. Là, on en bave, hein. 4002. À cette altitude, l'oxygène se fait plus rare, les efforts plus pénibles. Mais il faut continuer d'avancer parmi les nuages. C'est le prix à payer pour espérer approcher l'or des Incas. Après avoir gravi le sommet, Philippe Esnos continue seul sa route, sans ses porteurs cette fois-ci, car il tient à garder le secret. Dans cette jungle se cacherait un fabuleux trésor. Une découverte pour laquelle Philippe Esnos ne s'interdit rien, comme par exemple dynamiter carrément l'entrée de la grotte où il pense trouver le trésor de l'Inca. Déjà, il y a de quoi faire péter pas mal de trucs avec ça. Une fouille sauvage, en solitaire, avec pour seul équipier un autre Français. Philippe, Olivier, tu me reçois ? Olivier Gondard. Affirmatif, tu reçois 5-5, à toi. Ça a l'air. Tu me reçois, à toi ? Ouais, je te reçois 5 sur 5. Le tunnel, ça a l'air assez profond. Je vais continuer, voilà, là, il y a des parpaings d'équilibre, il y a quelques stalactites. Philippe Esnos ressort des entrailles de la montagne. Le Français n'a pas pu aller bien loin, bloqué par un nouvel obstacle. L'or d'Atahualpa reste introuvable, pour cette fois en tout cas. Philippe reviendra d'ici quelques mois, après la saison des pluies. Mais pour le moment, il est temps pour lui de retrouver sa femme et sa fille qui habitent Biarritz. Il est temps aussi de se refaire une santé avant le prochain voyage, qui n'est jamais très loin. Mais j'arrêterai pas, non, jamais. Même si on trouve le trésor, parce que de toute façon, l'argent, pour parler clairement, c'est qu'un moyen. C'est pas un but, c'est un moyen. Ça permet de faire d'autres trucs, ça permet de prendre des billets d'avion, de se payer des hôtels pendant qu'on fait des recherches, etc. C'est tout, ça paye, c'est uniquement un moyen. Et la retraite ? Ben, la retraite, j'ai commencé à la prendre à 20 ans quand j'ai commencé à chercher les trésors. Voilà. La chasse au trésor, Philippe Esnos n'y renoncera jamais, tout simplement pour continuer de réaliser à l'âge adulte ses rêves d'enfant. Au Yémen, les trésors, c'est la nature qui les offre. Dans cette boutique, des hommes dégustent différents nectars d'exception, comme ailleurs on goûterait un bon vin, mais ici, il s'agit de miel. C'est le miel le plus connu. C'est du miel de jujubier, qui vient de la vallée du Wadi Doan. C'est un miel qui coûte très cher. Combien ? Un kilo coûte 8000 rials, c'est-à-dire $50. Les prix peuvent grimper encore bien plus haut. Et le miel le plus cher du monde, c'est celui-ci. Que dites-vous ? C'est le miel le plus cher du monde. On l'utilise pour guérir les douleurs d'estomac. C'est très bon pour la santé. Un kilo coûte $100. Ce miel coûte encore bien plus cher aux Émirats et à Dubaï, où il est exporté. Sa source, une vallée au milieu du désert. Une vallée perdue, et pourtant connue dans tout le monde arabe, le Wadi Doan. Pour rejoindre ce jardin d'Éden, il faut parcourir pas moins de 600 km. C'est un long voyage que nous allons entreprendre pour remonter aux origines du nectar et découvrir ses vertus réelles ou supposées. Le Wadi Doan, c'est un canyon qui s'étire sur 150 km. Mais c'est surtout la Mecque du miel dans tout le monde arabe. La vallée est parsemée de villages qui sont accrochés sur des pitons rocheux, à leurs pieds, des oasis d'acacia. Pour les 90 000 apiculteurs du pays, plusieurs fois par an, c'est la ruée vers le miel, la grande transhumance des abeilles. Comme des milliers d'autres, Amer s'apprête à faire voyager ses abeilles. Cette nuit, il va déplacer des dizaines de ruches. Plusieurs centaines de milliers d'abeilles vont ainsi pouvoir butiner les précieuses fleurs d'acacia. Là, je numérote les ruches, car nous allons les transporter dans un lieu qui s'appelle Al-Hajarin. Nous les entreposons là-bas, car la végétation est meilleure. L'environnement est très beau, et surtout, il y a des acacias. Là, j'allume une mèche pour repousser les abeilles à l'intérieur de la ruche. On bouche les ruches de cette manière et elles restent dans l'obscurité. Si elles étaient à la lumière du jour, les abeilles sortiraient. Fais attention, vas-y doucement. Il est 5 heures le lendemain matin. Amer profite de l'obscurité pour prendre la route. Direction Al-Hajarin, 30 km plus loin. Nous roulons très lentement pour ne pas effrayer les abeilles et ne pas casser les ruches. Au moindre accident, on les perdrait toutes. Plus que quelques kilomètres à parcourir. On voit déjà les premières lueurs de l'aube qui pointent au-dessus des falaises. Le temps presse, il faut impérativement arriver avant le jour. Le pick-up arrive enfin à destination. Comme ça, c'est bien. Une oasis de verdure au pied d'un village fortifié. C'est ici qu'Amer va installer ses abeilles pendant plusieurs semaines. Accompagné de son fils, il vérifie l'état de ses ruches. Soulagement, tout s'est bien passé pendant le trajet. J'ai choisi cet endroit parce que le cadre est idéal. Le coin est apprécié pour son climat. À l'est, nous avons les acacias et à l'ouest, la vallée. Nous sommes bien orientés par rapport à la lumière du soleil. On laisse les ruches sur place entre 40 et 45 jours, voire 48 jours. S'il faut les laisser davantage pour qu'elles soient bien remplies, on reste plus longtemps. Ça, c'est de l'acacia pour les abeilles. C'est la saison. Elles butinent les fleurs entre 6 et 7 semaines. Et ça, c'est du jujubier. Tu vois, le jujubier, ça donne aussi un très bon miel. L'unique, le numéro 1. Ça, c'est le vrai jujubier. C'est ce qui donne le vrai miel. Plus tard, Amer retrouve Salem. C'est un apiculteur, lui aussi. Amer vient faire des affaires et discuter de la prochaine récolte. Chez Salem, on boit du thé sucré. Et il y a un autre cérémonial. Entre amis au Yémen, on mâche du kat, une plante aux effets très relaxants. Mon grand-père était apiculteur, mon père aussi. Moi, je le suis à mon tour. C'est une tradition. Moi-même, j'ai 4 fils. Et l'un d'eux est apiculteur. Quant au miel, il est auréolé d'un immense prestige. C'est un don d'Allah. Pour nous, le miel est un cadeau dont nous sommes très fiers. C'est le plus beau présent que l'on puisse offrir. On n'offre rien d'autre. Et lorsque notre président s'est rendu dans votre pays, il est venu avec du miel et il en a offert à Jacques Chirac. Ce miel, les hommes du Wadi Doan savent tous qu'il vaut de l'or. Pour Amer, la saison de l'acacia bat son plein. Tous les jours, il inspecte ses ruches éparpillées dans la vallée. Ses employés, eux, ne s'éloignent jamais bien loin des abeilles. Pas de protection particulière pour ces apiculteurs du bout du monde. Tout juste un foulard autour de la tête pour aller extraire le trésor d'Amer, les premières galettes de l'année. Ça, c'est du miel d'acacia que nous venons juste d'extraire. Là, nous allons le déposer sur un filtre. Le miel sera récupéré en dessous. Nous allons le mettre soit dans des bidons, soit dans des boîtes ou dans d'autres récipients, selon la qualité du miel. Et là, c'est un miel d'acacia de première qualité. Ensuite, ce miel, eh bien, il va falloir le vendre. Nous quittons le Wadi Doan, direction 100 km plus loin, sur le marché au miel d'Al-Katan. Al-Katan, une bourgade poussiéreuse, mais surtout la plaque tournante du miel au Yémen. Amer s'y rend aujourd'hui pour écouler ses dernières récoltes. Tous les matins, des commerçants venus de tous les pays du Golfe accourent pour se procurer ce précieux nectar. On regarde, on examine ses teintes ambrées, on apprécie son goût de caramel au beurre et ses touches légèrement épicées. C'est du jujubier ? Oui. Ça vient d'où ? Du Wadi Doan. Il y a combien ? Il n'a pas de prix. Je propose à 20. Pour se mettre d'accord sur le prix, Amer et le commerçant ont recours à un tiers, un courtier. C'est lorsqu'il relâchera leur main que l'affaire sera conclue. N'oublie pas que tu n'es pas seul ici. Il y a encore de la marge. 26 ? Pas assez. 27 ? Pas assez. Je propose 30. Si tu voyais d'où vient ce miel, tu aurais proposé beaucoup plus. Oh, il est déjà bien cher, là. Non, c'est pas encore assez cher. Tu achètes à 35 ? J'achète. Ok, on vend. Voilà un acompte. Et je vais aller chercher le reste. Il y en a combien, là ? Là, je te donne 2000. Et le reste ? Et le reste, je te le donne tout à l'heure. Je suis satisfait de cette vente. Oui, je suis content de l'avoir vendu à ce prix. C'est un très bon miel. Il n'y en a pas de meilleure qualité. Aucun autre miel ne peut l'égaler. 120 euros au total pour les deux bidons, soit 10 euros le kilo. Amer sait que son miel sera parfois revendu jusqu'à 20 fois plus cher, mais il ne se plaint pas. Au Yémen, les salaires des apiculteurs sont beaucoup plus élevés que la moyenne nationale. L'or des abeilles fait les beaux jours de ces hommes. On se retrouve dans un instant et on vous révélera comment gagner beaucoup d'argent en ayant recours à quelques méthodes un poil contestables, mais très rémunératrices, chantage, détournement. Le crime, malheureusement, paye toujours. À tout de suite. Et nous voici de retour dans ce monde où décidément l'argent reste une quête ultime. Alors si vous n'avez pas d'idée, encore moins de pétrole, tout reste possible. En n'hésitant pas par exemple à enfiler un costume d'ecclésiastique pour récupérer des créances de mauvais payeurs. Ou encore en réussissant, comme au Vatican, à obtenir de petits arrangements avec le fisc. Il y a encore une autre possibilité, plus risquée encore, le kidnapping, comme en Colombie, où cette activité éminemment lucrative est en train de devenir presque banale. Quatre employés d'une entreprise anglaise enlevés en Tchétchénie. Le PDG de la firme Sanyo kidnappé au Mexique, un ingénieur français en Colombie, un Américain, toujours pour de l'argent. On parle officiellement de 2000 kidnappings dans le monde chaque année. Chiffre sous-évalué, bien sûr, car les enlèvements sont souvent cachés aux autorités. Première victime, les populations locales. Mais pour les kidnappeurs, les employés des multinationales sont des proies de choix. Alors les entreprises s'organisent. Elles s'assurent contre l'enlèvement et emploient même des négociateurs pour marchander les rançons. Aujourd'hui, pour les ravisseurs comme pour les compagnies d'assurance, le kidnapping contre rançon, c'est devenu un véritable business. Américain expatrié en Colombie, Tom Hardgroves a été kidnappé par la guérilla des FARC. La guérilla des FARC demande plus de 5 millions d'euros en échange de Tom. C'est pour eux le prix d'un gringo, mais l'entreprise annonce qu'elle ne paiera pas. Abandonnée, la famille va décider elle-même d'employer un négociateur. Dans cet extraordinaire document amateur, les Hardgroves ont filmé ce que vous n'avez jamais vu jusqu'à aujourd'hui, une négociation de l'intérieur. Seul contact avec les ravisseurs, cet émetteur radio. C'est Suzanne, l'épouse de Tom, qui, contre la volonté de l'entreprise, a décidé de négocier pour faire libérer son mari. Et ce sont ses fils qui vont assister le négociateur, un certain David, un Anglais. Ils étaient très importants pour nous parce qu'ils avaient l'habitude de ça. C'était leur vie. Ils avaient traité des dizaines de kidnappings, la plupart du temps avec succès, d'après ce qu'on savait. Alors, on se disait qu'en les écoutant, il y aurait un moyen de sortir de cette histoire et qu'alors, peut-être, mon père serait relâché. Première règle, ne jamais rompre une négociation. Il faut rester cordial, ouvert. Les kidnappeurs sont les maîtres. Ici, les FARC utilisent des codes. Tom, par exemple, l'otage est appelé l'immeuble. Comment va l'immeuble ? L'immeuble est en parfait état. Ok, écoute. Nous avons quelque chose pour toi. On te propose en tout 150 000 euros. Il faut qu'avant demain soir, vous ayez à disposition les 150 000 euros. Nous vous dirons où trouver une photocopie du contrat et la photo de l'immeuble qu'on vous a promis. Ok, demain on tiendra la somme à votre disposition pour le paiement final et la libération de Tom. Tu confirmes ? Vous savez que l'immeuble est en danger si nous avons l'impression qu'il y a quelque chose de suspect, ok ? Ne t'inquiète pas, tu sais que la sécurité de l'immeuble est prioritaire. Et donc votre sécurité, c'est notre sécurité aussi. Un négociateur ne parle jamais directement à un kidnappeur. Ici, c'est un ami colombien qui est chargé de s'adresser à la guérilla. Les ravisseurs ne doivent en effet jamais supposer la présence d'un expert. Ça pourrait les énerver. Dans les rues de Cali, en pleine nuit, ce sont les enfants de Suzanne qui vont chercher les instructions de la guérilla. Bien sûr, c'est très dangereux. Mais là encore, le négociateur ne peut pas se découvrir car il risque d'être repéré. Nous sommes devant un fast-food. Les FARC ont déposé dans les toilettes, derrière la chaise d'eau, une photo de Tom Hadgrove. Dans le jargon de la négociation, on appelle ça une preuve de vie, un document capital à analyser avec soin. Il est arrivé que des kidnappeurs exigent une rançon alors que l'otage était déjà mort. Le négociateur a exigé des FARC que Tom joigne une lettre à la photo et qu'il décrive la première d'un quotidien afin d'être bien sûr qu'il est au moins en vie ce jour-là. J'ai une copie du journal El País datée du mardi 23 mai. Regarde son visage. La famille de Tom a menacé l'entreprise d'un procès. Cette dernière accepte donc, sous la contrainte, de finalement donner l'argent de la rançon. Plus de 150 000 euros en monnaie colombienne. Et il cache le tout dans des palettes en attendant le transport. Des liasses de billets marchandées par le négociateur avec l'accord de la famille qui apprend un autre principe de base. On ne doit jamais payer tout de suite. Ils avaient demandé plus de 5 millions d'euros en échange de mon père. Et même si on avait pu réunir cette somme, la chose la plus stupide, ça aurait été de payer tout de suite. Parce que le message que ça aurait envoyé aux gens qui détenaient mon père, c'est « Hey, il y a sûrement plus d'argent à se faire. C'est venu trop facilement. » Après instruction de la guérilla, les liasses de billets, dissimulées dans les voitures, vont finalement prendre la route des montagnes. Que ce soit pour une entreprise ou pour une famille, il n'y a pas d'échange argent contre otage. On largue les billets à l'endroit convenu, puis on attend. Et pour les Hardgrove, l'attente va durer 15 jours, avant qu'un soir, Tom ne fasse son apparition au domicile familial. Après 11 mois passés enchaînés dans la cordillère des Andes, il a été relâché en pleine montagne et c'est à pied qu'il est rentré chez lui. Épuisé, Tom a l'air d'avoir tenu psychologiquement, mais la famille n'est pas au bout de ses surprises. Pendant toute sa détention, Tom a griffonné sur de minuscules bouts de papier toute l'histoire de son kidnapping. Un journal de bord, la seule chose qu'il ait pu ramener de son séjour en enfer. Sans aller jusqu'au kidnapping pour récupérer de l'argent, la solution, c'est peut-être aussi le déguisement. C'est en tout cas l'idée de cette agence de recouvrement située en Espagne. Ici, on a troqué l'attaché case pour la robe de bure. Bienvenue au monastère des impayés. Depuis le milieu des années 90, les Espagnols vivent au-dessus de leurs moyens. Ici, l'endettement des foyers est l'un des plus élevés d'Europe. Alors pour faire rentrer l'argent, les sociétés de recouvrement ont dû faire preuve d'imagination. Certaines déguisent leurs employés en panthères roses ou comme ici, en moines. L'entourage du mauvais payeur récalcitrant ignore que ce monsieur doit de l'argent. Alors quand nous débarquons chez lui, quand nous laissons notre carte de visite au voisin ou au concierge, il entre immédiatement en contact avec nous pour se débarrasser de nous une fois pour toutes. Ça y est, c'est parti, la chasse est ouverte. Journée classique, 4 dossiers en attente, un peu moins de 200 000 euros, une affaire rondement menée et le monastère peut empocher jusqu'à 30% du recouvrement de la dette. Le parcours commence dans le campus de Madrid. Un haut responsable de l'université doit 35 000 euros à l'un de ses fournisseurs. Je voudrais parler à monsieur... Il n'est pas là. Mais il va venir. Vous avez une carte de visite ? Dites-lui que nous allons revenir, demain, après-demain, et jusqu'à ce qu'il paie. Et c'est légal, ça ? La loi, ce n'est pas mon affaire, mais celle de monsieur... C'est lui qui en a besoin. Qu'il étudie la loi. Il me doit 35 000 euros. Seconde affaire pour le monastère, qui mise beaucoup sur la honte des mauvais payeurs face à ces moines de la créance. Il doit être en train de suffoquer. Le concierge sait qu'il doit de l'argent. Alors quand ils vont se croiser, ce monsieur va se sentir très mal. Il va avoir honte. Ce sont des pratiques légales, mais assez borderline. Nous sommes à la limite de la justice et de la légalité. Mais nous ne franchissons jamais la frontière. Et qui trace cette frontière ? Nous-mêmes. Nous fixons nous-mêmes les limites parce que nous connaissons la loi. Nous ne faisons jamais de menaces, nous n'exerçons jamais de pression. Des moines qui, on le voit, n'ont pas fait vœu de pauvreté, puisqu'aujourd'hui le business du recouvrement de créances est plus que jamais à la mode. De faux prêtres pour amener à la raison les mauvais payeurs et de vrais prêtres qui bénéficient de largesses d'hommes politiques, bienvenue au Vatican. Le Vatican qui accumule des richesses colossales en or mais aussi en biens immobiliers et qui a reçu il y a 10 ans un nouveau cadeau fiscal de la part du gouvernement italien. Tout a commencé avec le jubilé de l'an 2000, les pèlerins se pressent à Rome, l'Italie manque d'hôtels, alors l'Église réagit. Avec l'aide de l'État, elle transforme couvents et monastères en structure d'accueil. Officiellement, il ne s'agit pas d'hôtels, mais de maisons de vacances pour les pèlerins. Les prix ne devraient pas dépasser les 50 euros. Problème, 10 ans plus tard, ces maisons se sont multipliées et les hôteliers parlent aujourd'hui de concurrence déloyale. Aujourd'hui, la clientèle d'un niveau 3 étoiles préfère descendre dans ces maisons de vacances religieuses, car elles peuvent proposer des prix bien plus bas grâce aux avantages fiscaux dont elles bénéficient. Cette situation crée un dangereux déséquilibre du marché en faveur des institutions religieuses. Des hôtels qui ne disent pas leur nom pour échapper au fisc. Faux, répond le Vatican. Il ne s'agit pas d'hôtels, mais de modestes structures d'accueil construites autour d'un lieu de prière. Elles ne doivent pas être considérées comme entités commerciales. Alors pour en savoir plus, nous sommes allés vérifier. Place Farnèse, au cœur de la Rome historique. Voici la congrégation des sœurs Brigidines, qui tient une église et un couvent. Bonjour, je cherche un hôtel. Je suis désolée, nous sommes complets pour le moment. Mais venez me voir, faites le tour de l'église. Sur le côté, une porte dérobée. Une sœur nous attend. Elle parle anglais. Vous n'avez pas réservé ? Non, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Ah, je suis désolée, nous sommes complets. Mais si vous tournez la rue, il y a plein d'établissements comme le nôtre. Demandez la Villa de la Sainte Immaculée, ils prennent des hôtes. Un peu plus loin, vous trouverez aussi la Villa Farnesina. La liste est longue. Sur la seule ville de Rome, l'église gérait 850 établissements transformés ainsi en maisons de vacances, soit autant que le nombre d'hôtels recensés dans la ville. Vous réservez vos chambres uniquement aux religieux ? Non, non, tout le monde peut venir. Alors vous êtes un hôtel ? Oui, bien sûr. Pour voir à quoi ressemble cet hôtel caché, nous demandons à visiter les chambres. Une fois la porte passée, le doute n'est plus permis. Il s'agit bien d'un hôtel 3 étoiles. Une réception où rien ne manque, des tapis, des meubles anciens, canapés cossus, registre des réservations, carte postale, tout y est. Les sœurs ont même pensé au merchandising. Une poupée de Sainte Brigitte est en vente et livrable chez vous pour 10 euros. La religieuse nous sort même un dépliant en papier glacé, vantant en 4 langues les mérites de l'établissement. Mais nous ne pouvons pas accéder aux chambres. Il y en a au total 23. Elles coûtent entre 105 et 250 euros la nuit. Un prix en dessous de celui du marché, mais qui reste bien trop cher pour un pèlerin désargenté. Carlo Pantecini est spécialiste de la fiscalité hôtelière. Et depuis 5 ans, il tente de dénoncer les abus de l'église. Regardez, ici vous avez un exemple typique d'établissement religieux qui est en réalité un hôtel déguisé. L'église possède un véritable circuit d'hôtellerie parallèle avec tout ce que cela comporte comme irrégularité. D'abord, ils ne payent que la moitié des charges. Ensuite, les propriétés de l'église sont exemptées de taxes foncières, même lorsqu'elles pratiquent des activités commerciales. Et enfin, ils peuvent compter sur un personnel quasiment bénévole. Avec autant d'avantages, ils peuvent facilement casser les prix du marché. Un affranchissement qui représente un manque à gagner de plus de 2 milliards d'euros par an pour l'État italien. Des taxes inexistantes, mais aussi des pratiques commerciales pas très orthodoxes. Le business made in Vatican aime contourner les règles, comme en témoigne cet ancien employé d'une pension gérée par des religieux. Voici le couvent dans lequel j'ai été gardien de nuit pendant 3 ans. Avant, c'était un endroit d'accueil assez modeste. Et pendant le jubilé de l'an 2000, cela s'est transformé en hôtel. Regardez, ils ont installé une véritable réception avec des sœurs qui travaillent à l'accueil. Elles font un travail d'hôtellerie, mais comme elles font partie du couvent, elles ne touchent pas de salaire. Les indépendants, comme moi, on n'était pas déclarés. On nous payait au noir. Comment vous facturiez aux clients ? On ne facturait rien. On donnait juste un reçu aux clients. Comme ça, il n'y avait aucune trace fiscale. Les reçus étaient des banderoles que l'on achetait dans des papeteries. Sur cette affaire, nous avons voulu entendre la version des autorités vaticanes, mais personne n'a souhaité nous recevoir. Il faut bien dire que la relation entre l'État italien et le Saint-Siège est une longue histoire jalonnée de cadeaux en tout genre. Idée de génie, ressources naturelles ou magouilles, ça y est, enfin, vous avez décroché la timbale. J'en suis heureuse pour vous. Vous êtes devenue immensément riche, peut-être trop. Du coup, voici quelques idées bien utiles pour dépenser votre argent à grands coups de millions ou encore pour faire en sorte de ne pas en perdre en mariant utilement votre chère descendance. Quand on a de l'argent et qu'on ne veut pas le perdre, voici donc quelques sages conseils, rien que pour vous, amis fortunés. Vous êtes déjà à la tête d'une petite fortune personnelle et vous souhaitez que votre descendance puisse faire fructifier le capital familial. Eh bien, la meilleure des solutions, c'est fréquenter le Gotha, en organisant des petites soirées chic entre gens bien nés, histoire d'éviter toute déconvenue. Le plus célèbre de ces pince-fesses a un nom, c'est le bal des débutantes, une sorte de boom mondaine, de plus en plus mondialisée. Et pour avoir son carton d'invitation à son nom, la personne à bichonner sans faute, c'est elle. Elle s'appelle Ophélie Renoir. C'est elle qui délivre le précieux sésame. Les invitations, elle les distribue par cooptation en fonction de la notoriété des familles dans chaque pays. Il m'arrive qu'on m'écrive, mais je dirais qu'il y a peu de candidatures retenues, mais il y en a. Mais la plupart du temps, 9 fois sur 10, c'est moi qui vais les chercher. Aujourd'hui, elle est à Londres et comme souvent, c'est la maman de la débutante qui est la plus conquise par la perspective du bal. Rita Sherman est d'origine indienne. Elle a fait fortune grâce à Internet. Elle a été élue femme asiatique de l'année par la presse britannique. Ophélie, vous venez au salon à l'étage. Vous avez fait bon voyage ? Très bien, merci. Et l'heureuse élue, la voici, Ria, 18 ans. Depuis qu'elle a appris qu'elle irait à Paris, une seule chose la tracasse. Il faut vraiment apprendre la valse ? Tout le monde me pose cette question. Dans la valse, c'est l'homme qui mène la danse. Il est plus important que vous. C'est lui qui doit savoir. Je n'ai pas envie de tout gâcher. La valse, ça a l'air drôlement dur, on verra bien. C'est drôle, toutes les filles me disent ça. Ça a l'air dur. J'ai un peu peur. Celle-là a l'air fabuleuse. Ophélie a également apporté de Paris des photos, des essayages de la robe de Ria dans les jardins du Palais Royal. Comme celle-là est belle. C'est vrai. De nos jours, c'est drôle, c'est moderne. Et en plus, les filles viennent du monde entier. C'est très multiculturel, multiethnique. J'y vais pour casser le moule. Peu d'Indiennes ont eu leur place au bal des débutantes. Je me sens unique à faire ça. Je suis en train de tracer la voie aux autres filles de la même origine. Je suis impatiente d'y aller. À plusieurs milliers de kilomètres de là, près de Moscou, une autre débutante se prépare. Et là aussi, c'est par la mère qu'Ophélie a trouvé la fille. Elle s'appelle cette fois-ci Zoé, 18 ans également. Elle arrive directement de Boston, où elle est étudiante. Hey Zoé, qu'est-ce que tu es belle. Tu as fait bon voyage, ma chérie? Très bon, merci. Tu es vraiment très belle. Entrons, viens prendre le petit déjeuner avec moi. Allez, enlève ton manteau et on va prendre le petit déjeuner ensemble. Jana, la mère de Zoé, partage sa vie entre New York et Moscou. Zoé, elle, est en pension. Elle ne se voit pas souvent. Salut. Et alors, le lycée, ça va ? Ça va bien. Qui a eu l'idée d'aller au bal ? Je dois avouer que c'est moi qui ai eu l'idée. Zoé le mérite, elle est si jeune, si belle, si intelligente, que j'ai pensé que sa place était là-bas. En plus, elle travaille très bien en classe. Une fois dans sa vie, tout le monde a le droit à son moment de Cendrillon. Vous vous voyez en Cendrillon, Zoé ? Oui, un peu. Oui. Mais c'est surtout la robe. C'est vraiment une robe de Cendrillon. Vous savez, nous les femmes, on s'imagine tout en Cendrillon. Quand vous avez la chance de pouvoir offrir un conte de fées à votre fille, il ne faut pas la laisser passer. Et pour offrir tout cela à ses enfants, Jana doit vivre sous la protection permanente de gardes du corps. Elle a fait fortune dans l'immobilier. Elle pèse aujourd'hui 120 millions de dollars. Il y a 6 mois, elle a reçu des menaces. Et en Russie, on ne prend pas la jalousie des concurrents à la légère. Paris, place de la Concorde. C'est ce soir que se déroule le bal des débutantes. Toutes les jeunes filles sont enfin arrivées et avant la soirée, tout le monde se retrouve pour une petite séance de maquillage où Ria, l'Indienne, se moque du lycée BCBG de Zoé la Russe. No, I like Bentley. Why don't you look at Babson? Babson. Yeah. No, I was going to apply to Wellesley. Excuse-moi, mais ton lycée pour filles, ce n'est pas mon truc. Sans te vexer. No, it doesn't really. Mais j'ai aussi des copains. Non, mais c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de garçons de mon âge pendant la semaine. Mais bon, en faisant un effort, tu en rencontres durant le week-end. Oui, c'est un couvent. Non, ce n'est pas un couvent, vraiment pas. Non, ça n'est pas un couvent. Vous avez le sentiment d'appartenir à une nouvelle aristocratie? Je n'y avais pas pensé, mais maintenant que vous le dites. Mais quand je rentrerai à Londres, en tout cas, je retrouverai ma vie normale. Je n'ai pas l'habitude de tout ça. Et ce soir, toutes ces jeunes filles bien nées auront donc la chance de valser au bras de cavaliers tout aussi fortunés, venus de partout dans le monde, mais réunis par la bannière de l'argent. Pékin, capitale de la Chine. Ici, on vénère toujours l'architecte de la révolution prolétarienne, Mao, mort pourtant depuis 30 ans. Mais avec l'ouverture économique du pays il y a 15 ans, le socialisme est définitivement enterré et le capitalisme s'impose du haut de ses buildings. Les grosses berlines allemandes remplacent petit à petit les vélos. Dans sa voiture avec chauffeur, voici Yao Ming. Il a fait fortune dans les télécommunications. Nous sommes en pleine semaine. Aujourd'hui, il ne va pas au bureau. Il s'accorde du temps, il profite. Direction le toit d'un des plus beaux hôtels de la ville. Yao Ming n'a pas besoin de travailler pour vivre, alors ce matin pour lui c'est tennis avec 2 professeurs particuliers. Mais vous avez le temps de faire du tennis ? J'essaie de m'organiser et de garder du temps pour faire du tennis, oui. Et vous n'avez pas trop de travail au bureau? Ça fait 6 mois que je ne suis plus allé au bureau. Mis à part le tennis, 2 fois par semaine, Yao Ming passe le plus clair de son temps à acheter des œuvres d'art. Nous le retrouvons dans son appartement, au 33e étage d'un des plus hauts buildings de Pékin. C'est ici qu'il entrepose tous ses achats. Des artistes contemporains chinois qui peuvent aujourd'hui exprimer leur ressentiment vis-à-vis du régime maoïste. Ce tableau est fait par un jeune artiste contemporain chinois qui s'appelle Guan Yong. Tous ces personnages ont une tête de cochon, regardez. Le livre rouge ou le ruban rouge font référence à l'époque de la révolution culturelle. Et en réalité, il veut dire que le cerveau des Chinois de l'époque ressemblait à celui des cochons. À l'époque de Mao, il aurait eu le droit de peindre ça ? Non, on lui aurait coupé la tête. Des œuvres, souvent à plus de 100 000 euros, Yao Ming est tellement riche qu'il en achète à tour de bras. Et il en a tellement qu'il ne peut pas profiter de toutes. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des biens que j'ai achetés dans des ventes aux enchères. Et regardez, je n'ai même plus de place pour les exposer. Et aujourd'hui, son 600 m² est trop petit. Alors il va déménager dans la banlieue de Pékin, une banlieue cossue au milieu d'autres millionnaires. Il a demandé à ses amis de le rejoindre pour leur faire visiter le chantier de sa future maison. De quoi accrocher ses centaines de toiles. Car ce n'est pas le chantier d'un immeuble, d'une usine, d'un théâtre, juste de sa villa, 1800 m². C'est l'espace de jeu des enfants. C'est sur deux étages ? Oui, ils pourront jouer comme ça. Je vais installer un toboggan qui partira de là et qui descendra comme ça. Là, c'est une autre salle à manger. C'est suffisant, non ? C'est trop grand. Excusez-moi, il y a beaucoup de maisons comme ça en Chine ? Oh, très peu. Oui, oui, très peu. Du moins, j'en ai jamais vu. Pour le moment, en tout cas, parce qu'un promoteur, lui-même millionnaire, a décidé de s'attaquer au marché des nouveaux riches. Il a 36 ans et devant l'affluence de Pékinois fortunés, il a décidé de les loger ensemble dans un lotissement de riches, des châteaux individuels en fait, comme des maisons préfabriquées. Voici notre projet en développement. Un parc résidentiel gigantesque. Vous voyez, chacune de ces maisons fait en moyenne 1500 m². Et vous avez vu, le style principal est européen. Les maisons, surtout, sont de facture plutôt française. Voici le projet Grandeur Nature, près de l'aéroport. 172 châteaux pour millionnaires se construisent les uns à côté des autres. Le promoteur nous fait l'article. Certains sont déjà vendus. Il y a même un château témoin pour les visites. Et des gardes, factices. Le plus petit fait 1500 m². Il faut compter 2 à 10 millions d'euros meublés. Nous sommes dans le salon au rez-de-chaussée. Le maître de maison a un salon privé à l'étage. C'est formidable comme on a déjà l'impression d'être chez soi. Et pourtant, ce n'est pas très grand, mais comme c'est décoré avec tellement de finesse, on se sent déjà comme à la maison. Regardez, la chambre des maîtres de maison. Vous voyez ce plafond extrêmement haut, et c'est bien supérieur à la norme. Êtes-vous fier quand vous regardez ce que vous avez fait ? Ah oui, je suis fier. Quand tout sera terminé, ce sera magnifique. Je pense qu'on ne trouvera pas un deuxième parc comme ça dans tout Pékin. Avoir un château, c'est le rêve de tout milliardaire, à Pékin comme aux États-Unis d'ailleurs. Mais là, attention, tout est dans le détail. Nous voici en plein milieu du Texas. C'est le château de Falkenstein, un morceau de Bavière planté au beau milieu des cactus. Ce château est né de la volonté et de l'imagination d'un homme, Terry Young. À 56 ans, ce patron d'une entreprise de bâtiments est en train d'achever un rêve d'enfant. Un rêve qui lui aura quand même coûté 5 ans de sa vie et 2 millions d'euros. Mon père était dans l'armée de l'air américaine et nous étions basés à Wiesbaden en Allemagne. Et pendant les week-ends, mes parents m'emmenaient, ma sœur et moi, visiter les châteaux en Europe. La première fois que j'ai visité un château de Louis II de Bavière, je devais avoir 7 ans. Vous savez, à cet âge, ça impressionne. Et je crois que ça a marqué ma vie. Et 40 ans plus tard, fortune faite, Terry retourne en Allemagne avec sa femme. Et là, il découvre le dessin d'un château commandé à l'époque par Louis II de Bavière, mais jamais construit. Nous avons essayé de reproduire aussi fidèlement que possible le dessin d'origine. Mais forcément, certains détails voulus par l'artiste sont impossibles à construire, comme les gargouilles, les sculptures. On ne peut pas être complètement fidèle à l'original. Maintenant, il faut qu'on s'attaque aux détails, comme les effets de dentelle sur la pierre, par exemple. Je pense que ça va nous prendre encore 2 ans. Falkenstein, avec ses tours, ses 10 000 mètres carrés habitables et ses plafonds hauts de 7 mètres, eh bien, c'est aujourd'hui la plus grande demeure en construction au Texas. Ça, c'est notre salle d'armes, avec ses armures, ses tapisseries et son indispensable table des chevaliers, bien sûr. La plupart des armes et armures sont des reproductions faites aux États-Unis. Kim, la femme de Terry, se débrouille seule pour entretenir le château. Aujourd'hui, on peut dire que la châtelaine texane a vraiment de quoi s'occuper. Ce soir, Falkenstein fête la nouvelle année. Le buffet est arrivé. Ça m'a coûté une fortune. J'espère qu'il y en aura assez. Pour faire quelque chose comme ça, il faut commencer avec un rêve. J'ai beaucoup rêvé de ce château. Lorsqu'on s'est lancé dans ce projet, je me suis dit, ça va être génial. Ce sera comme construire une grande maison avec des tours. Quand on faisait des plans, je disais tout le temps à mon mari, je veux que ce soit encore plus grand et encore plus haut. Pour beaucoup de Texans, l'Europe et ses châteaux représentent un rêve inaccessible. Se retrouver à festoyer dans une réplique, même grossière, d'un palais romantique, eh bien c'est presque aussi bien que de visiter l'original. Hey, voilà la reine. Regarde, comment tu vas? Très bien. Tout le monde a l'air en forme. Tiens, laisse-moi te présenter mon ami Tom Burke. Ah, c'est vous le bourreau. Content de vous voir. L'année dernière déjà, j'étais en uniforme. J'aime bien m'habiller en militaire. Ma femme me dit que je dénote parmi les costumes d'époque que je ressemble à un dictateur sud-américain. Mais si vous regardez bien les documents sur Louis II, vous verrez qu'il porte un uniforme qui ressemble à celui-ci. À Falkenstein, la fête bat son plein. Bientôt minuit et la nouvelle année. Et pour Terry et son épouse, le rêve médiéval n'en est qu'à ses débuts. Et si vraiment vous avez beaucoup, beaucoup trop d'argent et un peu mauvaise conscience également, eh bien voici la solution pour redorer son blason, le charity business, très très à la mode aux États-Unis, tellement tendance qu'il existe aujourd'hui un journal, The Chronicle of Philanthropy, un bimensuel qui tire à 100 000 exemplaires. C'est une revue de référence pour les donateurs et les collecteurs de fonds. Stacy Palmer en est la rédactrice en chef. En quelques années, elle a réussi à se rendre incontournable pour les millionnaires donateurs. Nous, on couvre toutes les activités des organisations non lucratives, des œuvres de charité qui récoltent des fonds, comme des donateurs qui donnent leur argent. On est comme le Wall Street Journal qui couvre le monde des affaires. Les gens dont on parle peuvent aider après une tempête, diriger des centres sociaux, ils dirigent des universités, des associations de protection de l'environnement. Tous ces noms que vous avez l'habitude d'entendre, de l'Armée du Salut jusqu'à l'Université d'Harvard, plus beaucoup de petites associations. Ils sont tous nos lecteurs. Chaque année, son journal publie le hit parade des donateurs. C'est du dernier chic. On vient y chercher ce qui ne s'achète pas dans le commerce, la reconnaissance. Les donateurs adorent être dans ce hit parade, la plupart en tout cas. Parce qu'ils ont envie d'être récompensés pour leur générosité. Voici le top 50. Ça ne vous étonnera pas, le premier, c'est Warren Buffett. Combien a-t-il donné ? Il a fait une donation de presque toute sa fortune. À terme, cela fera plus de 44 milliards de dollars. Du journal des philanthropes à la presse People, Warren Buffett fait souvent la une. À 81 ans, donner, c'est une première et c'est une priorité pour lui. De quoi faire oublier son profil de sorcier de la finance. Pour la première fois, le patron sans scrupules de la firme Berkshire Hathaway Assurance Vie et Boursicotage se fait applaudir pour une œuvre charitable et il n'a pas vraiment l'habitude. C'est plus sympathique que dans les réunions de ma compagnie. Le temps est venu de distribuer ce que j'ai été heureux d'accumuler. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis né aux États-Unis en 1930. Et j'ai multiplié mon argent par 40. C'est un peu comme si j'avais gagné à la loterie. Et ces 44 milliards de dollars, c'est ici qu'il les a gagnés, à Wall Street. Son passe-temps favori, faire des allers-retours en bourse pour engranger des profits, il a Coca-Cola ou d'American Express. Et parfois, il fait des investissements en totale contradiction avec ses engagements charitables. Exemple, dans son rapport annuel, on trouve des actions PetroChina pour un montant de 3,3 milliards de dollars. PetroChina, c'est l'une des principales compagnies pétrolières chinoises. PetroChina finance le gouvernement soudanais au Darfour, un gouvernement responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes. Et ça, Warren Buffett n'en parle jamais devant les caméras. En revanche, elles sont omniprésentes lorsqu'il signe ses chèques dans son habit de philanthrope. Ces 44 milliards de dollars, c'est lors d'une cérémonie en grande pompe qui les a donnés l'an dernier à la fondation de Bill et Melinda Gates. Une fondation qui, elle aussi, pose question, car ses investissements sont parfois avec l'aide apportée sur le terrain. Exemple au Nigeria, où d'un côté la fondation sauve des milliers de vies en finançant d'importantes campagnes sanitaires, et de l'autre, elle investit dans les plus grosses compagnies pétrolières au monde, implantées à kilomètres des centres de soins. Des firmes qui menacent parfois l'environnement et la santé des habitants, des firmes qui brûlent le pétrole là où viennent jouer les enfants et qui augmentent le risque de choléra, de polio et de rubéole. Et c'est donc tout naturellement au sujet de ces placements financiers que nous à la directrice de la Fondation Gates. À Washington, après 5 mois de négociations, Patty Stonefy a accepté de nous rencontrer. Selon elle, faire pression sur ces compagnies, eh bien, ce n'est pas du tout du ressort de la fondation. Mais comment vous vivez le fait d'avoir des investissements dans des compagnies liées au surendettement ou des compagnies pétrolières qui sont nocives pour l'environnement en Afrique ? Avec votre fondation. Il n'est pas question pour nous de faire pression auprès des entreprises pour qu'elles se comportent mieux. C'est au gouvernement de faire ça, aux citoyens et même aux employés de ces compagnies qui peuvent faire pression pour que leurs compagnies se conduisent de façon plus éthique. Nous, on pense que ce n'est pas notre priorité. On se concentre plutôt sur des actions de terrain pour améliorer les comportements en général. Donc vous pensez que vous ne pouvez pas influencer ces compagnies, par exemple les grandes firmes pétrolières, pour tenter de stopper leurs dégâts? Il y a eu beaucoup d'exemples où des pressions d'actionnaires ont fait évoluer les choses. Donc on ne dit pas que cela ne marche pas, on dit juste que nous avons choisi de nous focaliser sur des actions de terrain. Et Bill Gates, qu'en pense-t-il ? Nous avons réussi à l'approcher presse à Harvard. Nous n'avions droit qu'à une seule question. À propos de philanthropie, pensez-vous qu'une fondation comme la vôtre doive être impliquée dans des placements éthiques ou qu'elle doive juste se contenter de faire le plus d'argent possible? Nous avons une politique en matière d'investissement. Par exemple, nous n'achetons pas d'actions de compagnies de tabac. Mais je ne peux pas dire que le fait de refuser d'investir une seule personne. Ce n'est pas très efficace, parce qu'on n'a pas investi assez d'argent pour pouvoir être influent. Alors le business a un rôle à jouer, oui. On doit mettre en lumière les entreprises qui participent aux bonnes actions pour que les autres suivent, dans la mesure du possible. Visiblement, en matière d'investissement, il n'y a que la fumée des cigarettes qui le dérange. Aujourd'hui, Bill Gates se consacre entièrement à sa fondation. Il est devenu le numéro un des philanthropes, une des plus grosses fortunes de la planète qui est bien décidée à faire notre bien sans être à une contradiction près. Eh bien voilà, on vient de passer une heure et demie dans un monde d'argent, de fortune et de délire. Parfois, vous l'avez vu, assez mégalo. J'espère en tout cas que vous avez apprécié le dépaysement. Retour à la réalité, je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt, salut, et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.